c'est pas ici. Anesthésiant, cheval, ça te. Je sais pas quoi, mais bref, ça continue. Ça te va pas, ça te va pas, et ça te fait quoi, ça te fait pas, ça te fait rien quoi. On est là, les gars, ils sont pas petits, tu me regardes tous, ils sont des effraqués. Ils m'attendent, ils espèrent que tu sais. Il va déchirer le mic, il est là, mais Steven, il est là, homologie aussi, mais complice de toute cette homologie, on les encule. Je sais même pas quoi dire, tellement ça devait être censuré. Bip, c'est calme. Sur ce, bonne nuit. Et moi, je dis chez moi. Bonne nuit sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'était Nuisance. Téléphone 0551 53 36 94. Thank you. C'est que le début. Non. Bah alors adieu. Ah. arc-en-ciel et à Zeus. Thank you. Yes. Yeah. animé ce soir sur Canal Sud avec un caméscope numérique DH920-422 alinéa B26C X117-249C alinéa B27 alinéa 13. Des bêtises quand t'es pas là. Ouais, cela. J'ai tout mangé le chocolat. À fond. Hein. Alors moi ce que je veux c'est un peu plus de sentiment, tu vois. Un peu plus de... Pense à l'émotion du chocolat qui fond. Oh oui, le chocolat qui fond. Oh, pff, Miam miam. Ouais. Oui, j'ai mangé tout le chocolat. Ah ouais, l'émotion, ouais, le sentiment. Ah ouais. J'ai mangé tout le Nutella. Parle-moi du sentiment. Ah ouais, c'est bon le sentiment. J'ai mangé le chocolat blanc. T'as pas du sentiment, s'il te plaît. Allez, avec vas-y, s'il te plaît. Du croustillant. Fais-moi un peu de sentiment, s'il te plaît. Du croustillant dans le chocolat blanc. C'était trop bon. Ah ouais, j'aime ton sentiment. J'aime le chocolat blanc avec du croustillant. Sentiment. Le chocolat blanc avec du croustillant. Est-ce que... Oh... La mort. Petite pépite de chocolat noir. Vaut-elle la peine d'être vécue? Avec le chocolat blanc, oui. Petite bite. Avec la pelle du chocolat, mort d'être vécue. Vaut-elle? Pour lui, il a les idées mal placées, on parlait juste de chocolat blanc. Ou de pépites de chocolat noir. Et du chocolat au lait soufflé. Quand du riz, miam, miam, miam, c'est bon. J'ai trop mangé de chocolat. Et t'es pas content parce que c'est pas assez sexy pour toi. N'empêche que les pépites, c'est super sexy. Pépites de chocolat noir? C'est ça. Comme dans les cookies. Comme dans les cookies, ça croque et ça explose. Mes biscuits préférés. Oh, ça fait du bien, pas où ça passe. Quand ça fond, ça grince. Ça croque et ça fond. Et ça fait mal. Ça fait pas mal, ça fait du bien, c'est le contraire, tu comprends rien. Quand tu les regardes avec les yeux, ça fait mal aux yeux, tu mens. Il imagine plein de trucs alors qu'on parle juste de cookies. Et c'est l'horreur, c'est détestable. Je déteste les cookies. Les cookies, les cookies. Ah, c'est quoi ce bordel de merde? Les cookies, les cookies. Les petits cookies, les cookies. Après il y en a au praliné. Peut-être que t'as pas essayé. Quoi? À Attends, excuse-moi, j'essaie de faire de la musique, de la grande et belle musique. On peut pas interrompre comme ça tous les interrompre. Moi je fais de la belle musique, tu vois. De la belle et grande musique. C'est dégueulasse. Ta poésie c'est de la merde, tu vois. Parce que moi ce que je fais c'est grand, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Et moi c'est noble. Alors que toi c'est dégueulasse. C'est de la putréfaction, franchement, en vigueur. Et c'est pas rigoureux, hein. Si t'as goûté que les coquilles moisies, c'est normal que t'aimes pas trop ça. Non, mais c'est pas ça que je parle. Putréfaction nausée, gerbeux. Oui, parce qu'ils étaient pas frais. Tu m'as vu, hein. Attends, nausée, gerbeuse. Ah ouais, gerbante. Allez, nausée, abonde la nausée. Ouais, merci. J'ai trop mangé de chocolat. Ah, la nausée, abonde. Je lui ai foutu abonde. La gerbante. On va gerber, oui, tous ensemble, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. C'est bien, putain, sacrebleu, je veux dire, j'adore ça, fichtre. Foutre. Ouais. Ah, super. Tout est bien qui finit bien, dans le meilleur des mondes.